الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. La louange est à Dieu, Seigneur des univers. خلق آدم عليه السلام ثم خلق منه زوجته. Il a créé Adam et à partir de ce dernier, il a créé sa femme. فالمرأة جزء من الرجل. Donc la femme est une partie de l'homme. ولهذا فالرجل يحتاج لزوجة. Raison pour laquelle l'homme a toujours besoin d'une femme. والمرأة تحتاج لزوج. Et la femme a toujours besoin d'un mari. وكلاهما يكمل الآخر. Et chacun complète l'autre. Chacun constitue un complément pour l'autre. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. بعد زواج آدم بحواء عليهما السلام في الجنة. Juste après le mariage d'Adam et Ève dans le paradis. قال لهم الله. Dieu leur a dit. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. Et n'approchez pas cet arbre, sinon vous ferez partie des injustes. Satan leur fit commettre le péché qui les fit glisser, et il les sortit tous les deux de là où ils étaient, ça veut dire dans le paradis. وبعدما ذكر الله هذه القصة قال لنا. Et juste après que Dieu nous a raconté cette histoire dans le Coran, il nous a dit. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. Ô enfant d'Adam, surtout que le diable ne vous tente pas de même qu'il a sorti vos deux pères du paradis. إذا كان أبوانا أكلا من الشجرة المحرمة في الجنة. Si nos parents ont mangé de l'arbre interdit qui se trouve dans le paradis, فإن في الدنيا شجرة محرمة. Il y a aussi dans ce bas monde un arbre interdit. لا هذه الشجرة المحرمة في الدنيا تعطي ثمارا وأوراقا. Cet arbre interdit dans ce bas monde donne toujours des fruits, bien sûr interdits. Et des feuilles d'arbre, bien sûr interdits. هذه الأوراق والثمار هي كل أنواع الذنوب والأوزار والحرام. Ces fruits, ces feuilles de cet arbre interdit constituent toutes sortes dans la vie ici-bas de péchés ou de désobéissance à Dieu subhanahu wa ta'ala. وأي ذنب تقوم به في الدنيا فكأنما فكأنك أكلت من الشجرة المحرمة. Et chaque fois que l'un de nous commet un péché, comme s'il a mangé de l'arbre interdit. هناك من يقول ولماذا أبونا آدم أكل من الشجرة. Il y a des gens qui critiquent notre père Adam. Pourquoi il a mangé de l'arbre qui a causé notre sortie du paradis. أقول له آدم أكل مرة. Je lui dis, Adam a mangé une fois. وانظر في حياتك كم أكلت من الشجرة المحرمة من مرة. Et regarde, frère ou sœur, dans ta vie entière, combien toi tu as mangé deux fois de l'arbre interdit. Combien de péchés tu as commis. أخي أختي, frère, sœur, عند الزواج, lors du mariage, تخيل الله يقول لك ولزوجتك. Lors du mariage, imagine Dieu le Très-Haut qui te dit et dit à ta femme ce qu'il a dit à ton père Adam et à ta mère Ève, ma qala li abik wa li ummik wa la taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin. Et n'approchez pas cet arbre, sinon vous ferez partie des injustes. Hal satastami' lillah, vas-tu écouter Dieu? Wa la taqtarib min shajarat al-haram khilal az-zawaj. Et comme ça, tu vas pas t'approcher de l'arbre interdit pendant tout le mariage. Ou plutôt, vas-tu suivre Satan. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan Rasulullah as-sadiq al-amin. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu, sincère et véridique. Qala sallallahu alayhi wa sallam. Il dit prière et salut sur lui. Wa innaka lan tunfiqa nafaqah. Chaque fois que tu dépenses une somme, une aumône, tabtari biha wajha Allah, en ne cherchant avec cet acte que la face de Dieu, illa ujirta alayha hatta ma taj'ala fi, yani fi fami imra'atik, fi fami zawjatik, tu en seras récompensé même pour ce que tu mets dans la bouche de ta femme, c'est-à-dire même pour le repas que tu achètes et que tu donnes à ta femme pour manger. Muttafaqun alayhi, unanimement authentique. Sayyid, Amir al-Anbiya, maître, émir des prophètes, sallallahu alayka adad an-nujum as-sama, que les prières de Dieu soient pour toi au nombre des étoiles du ciel, wa rimal as-sahra, au nombre des sables du désert, wa awladi adam wa hawa, et au nombre de la descendance d'Adam et Ève, amma ba'd, ayyuha al-ikhwat wa al-akhawat fi al-islam, après ceci mes frères, mes sœurs en islam, ahbab al-habib Muhammadin al-mustafa, très cher ou bien-aimé Muhammad al-Mustafa, alayhi afdalu salati wa azka salam, pour lequel on souhaite et on demande les meilleures prières et les hautes salutations. Ishna fi akhir al-jumu'a ma'a thalath amthila lizawaj al-mithali. Nous avons vécu dans le dernier vendredi avec trois exemples ou avec trois mariages exemplaires. ومن قبلها في الجمعة التي قبلها عشنا مع الخطوبة ثم مع عقد الزواج. Et dans le vendredi qui a précédé, nous avons vécu avec les fiançailles et par la suite avec l'acte du mariage. الذي سماه الله في القرآن بالميثاق الغليظ. Cet acte du mariage qui a été nommé par Dieu dans le Saint Coran par le pacte énorme. قال تعالى, Dieu le Très-Haut dit, وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Et qu'elles ont pris de vous, ça veut dire les femmes, un pacte énorme ou de grosse importance. فَهَا قَدْ صَارَ بَيْنَكُمَ الْآنَ مِيثَاقٌ غَلِيظٌ. Que voici ou que vous voici maintenant liés l'un à l'autre par un pacte énorme, وهو الزواج أمام الله, qui est le mariage devant Dieu le Très-Haut, الذي لا تخفى عليه خافية, Dieu que rien ne lui échappe ou rien ne lui est caché, وقد صرتم في نفس البيت, et que vous voici maintenant dans le même foyer. كيف يعامل كل واحد الطرف الآخر؟ Comment chacun doit-il se comporter avec l'autre partie؟ حسب الجاهلية, selon la جاهلية, la période pré-islamique, هل كل واحد يعرض قوته أمام الآخر وعضلاته ليخيفه؟ Est-ce que chacun, l'homme, c'est-à-dire le mari ou bien la femme, l'épouse, doit exposer sa force, ses muscles devant l'autre pour l'intimider? هل نطبق قاعدة الجاهليين? Doit-on appliquer la règle des jahilites, les gens qui ont vécu à l'époque pré-islamique? من اليوم الأول يموت القط. Depuis le premier jour, le chat doit mourir. هل كل واحد يسحق الآخر؟ Est-ce que chacun doit essayer avec tous les moyens que Dieu lui a donnés d'écraser l'autre? La réponse est non. Et bien sûr, non. إنكما الإسلام يقول لك, l'islam se dit, إنكما دخلتما في عبادة كبيرة ودائمة وهي الزواج. Vous êtes entrés dans une grande adoration permanente qui est le mariage. وإنكما أمام الله, et vous êtes devant Dieu, l'un ou l'autre devant Dieu, أمام القوي, devant le très fort. ثانية ثانية, seconde après seconde. فحذاري من الأخطاء, méfiez-vous des erreurs. والآن أخي استمع, سيكلمك الله. Maintenant frère, écoute, c'est Dieu qui va te parler. سيعطيك بعض الأوامر, il va te donner quelques ordres, quelques ordres. الأمر الأول, le premier ordre. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. Ou vous qui avez cru, mettez-vous, vous et les vôtres, à l'abri d'un feu, ayant pour combustible les humains et la pierraille. Certes, مسؤولا, tu es devenu responsable. أمام الله عن زوجتك وأولادك. Frère, tu es devenu responsable devant Dieu, pas n'importe qui, devant Dieu, à propos de ta femme et à propos de tes enfants. وصار من واجبك حمايتهم من نار جهنم. Il est devenu un devoir obligatoire de ta part de les protéger contre tous, contre le feu de l'enfer. عليك بتعليمهم دينهم. Tu dois leur enseigner leur religion. إما مباشرة, soit directement. فإن لم تستطع فأتي بهم إلى المسجد. Dans le cas d'impossibilité ou d'incapacité, ramène-les tous à la mosquée. علمهم تقوى الله الحلال الحرام إلى آخره. Apprends-leur la piété, la crainte de Dieu, le licite et l'illicite, etc. وَأْمُرْهُمْ بِالْعِبَادَةِ. Ordonne-leur l'adoration, الصلاه, la prière, الصيام, le jeûne, وغيره, etc. قال تعالى, Dieu dit dans un verset coranique, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. Ordonne à ta famille de pratiquer la prière et attache-toi-y fortement avec endurance, c'est-à-dire et patience. فالأمر الثاني, le deuxième ordre de la part de Dieu, لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. Que celui qui est dans l'aisance dépense de son aisance, et que celui qui a reçu sa part de bien avec parcimonie dépense de ce que Dieu lui a donné. Akhi, frère, كما أمرك الله بإطعام قلوبهم بالتقوى والعلم, exactement comme Dieu t'a ordonné de nourrir leur cœur, c'est-à-dire ta femme et tes enfants, par la piété et le savoir islamique. أمرك بإطعام بطونهم بالحلال. تطعم القلوب بخوف الله والتقوى والعلم. وتطعم البطون بالطعام الحلال. De la même manière, Dieu t'a demandé, t'a ordonné de nourrir leur ventre par des repas halal, par le halal, le licite. وكذلك اللباس والسكن. De la même manière, les vêtements, c'est-à-dire l'habillement et l'habitation. في الإسلام, en Islam, الزوج أمام الله هو المسؤول عن طعام ولباس وسكن زوجته وأولاده. En islam, c'est le mari qui est responsable devant Dieu à propos du repas, de la nourriture, des vêtements et de l'habitation de sa femme et de ses enfants. وَلَيْسَ الزَّوْجَةُ هِيَ الْمَسْئُولَ. Et ce n'est pas la femme qui est responsable de faire ceci en islam. وَكَثِيرًا مَا تَحْصُلُ مَشَاكِلُ بَيْنَ الْأَزْوَاجِ فِيمَا يَخُصُّ مَالَ الزَّوْجَةِ. Et souvent, il y a des problèmes qui surgissent entre le couple, entre les parties ou au sein d'un couple, en ce qui concerne l'argent de la femme. Et la cause de tout ceci, c'est l'ignorance qui se trouve dans la raison de quelques hommes. فَلَا يَجُوزُ أَبَدًا لِلزَّوْجِ فِي الْإِسْلَامِ أَنْ يُرْغِمَ زَوْجَتَهُ عَلَى أَخْذِ مَالِهَا. Il n'est pas permis du tout en islam à un mari de forcer, de contraindre sa femme pour qu'elle lui donne son argent. إِلَّا مَا أَعْطَتْهُ عَنْ طِيبِ خَاطِرٍ. À part ce qu'elle lui donne de son plein gré, mais non pas sous la contrainte. الْأَمْرُ الثَّالِثِ. Le troisième ordre de la part de Dieu, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Vivez avec elle selon la bonne coutume. أَمْرٌ مِنَ اللَّهِ لِكُلِّ زَوْجٍ أَنْ يُعَامِلَ زَوْجَتَهُ مُعَامَلَةً حَسَنَةً. Un ordre de la part de Dieu à chaque époux de se comporter avec son épouse selon la bonne manière. بِرِقَّةً. Avec douceur. وَمِنْ غَيْرِ غِلْضَةً وَلَا شِدَّةً. Et sans dureté, sans grossièreté. وَاللَّهُ لَمْ يُحَدِّدْ الطَّرِيقَ بِالضَّبْطِ. Dieu n'a pas précisé la forme ou la méthode de comportement. بَلْ تَرَكَ الْمَجَالَ مَفْتُوحًا. Il a laissé le champ ouvert. فَكُلُّ مُعَامَلَ طَيِّبَةً لَا تَتَعَارَضُ مَعَ الدِّينِ وَالْعُرْفِ الْحَسَنِ. Tout comportement, tout bon comportement qui ne s'oppose pas avec la religion et avec la bonne coutume, فَالزَّوْجُ مُطَالَبٌ بِهَا. Ce comportement est recommandé au mari. بِمَعْنَى كُلْ مُعَامَلَ سَيِّئَ مَعَ الزَّوْجَةِ فَهِيَ حَرَامٌ فِي الْإِسْلَامِ. Ceci signifie tout mauvais comportement de la part du mari à l'égard de sa femme est strictement interdit en islam. Haram. وَالْقُدْوَ وَالْمِثَالِ هُوَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Le modèle et l'exemple pour tout musulman se trouve dans la personne du prophète, prière et salut sur lui. وَلِهَذَا سَنَطْلُبُ الْآنَ مِنَ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنْ يَتَكَلَّمَ مَعَ الزَّوْجَيْنِ. Raison pour laquelle nous allons demander maintenant au prophète, prière et salut sur lui, de s'adresser à chacun des deux, ça veut dire le mari et la femme. وكعادتي سيقول النبي صلى الله عليه وسلم شيئا للمرأة وشيئا آخر للرجل. Et à son habitude, le prophète, prière et salut sur lui, va dire quelque chose à la femme et quelque chose à l'homme. أختي استمعي جيدا. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معك. Sœur, écoute bien, c'est le prophète, prière et salut sur lui, qui va parler maintenant avec toi. الحديث الأول, le premier hadith. لا يحل لامرأة أن تصوم معنى النافلة وزوجها شاهد إلا بإبنه. Il n'est pas permis à une femme d'observer le jeûne, ça veut dire surérogatoire, lorsque son mari est présent qu'avec son autorisation. Ça veut dire peut-être qu'il aura besoin d'elle. Et elle ne permet à quelqu'un d'entrer dans sa maison qu'avec son autorisation. Muttafaqun alayh, unanimement authentique. الحديث الثاني, le deuxième hadith. أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. لم يقل وأبوها عنها راض. لم يقل وأمها عنها راضية، قال وزوجها عنها راض، ماتت وزوجها راضي. لما ماتت زوجها كان راضي عليها، ربما بكى عليها. هذه المرأة تدخل الجنة حسب ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: quiconque des femmes meurt si son mari est satisfait d'elle elle entrera au paradis. رواه الترمذي وقال حسن، rapporté par l'imam الترمذي qui l'a qualifié d'authentique. ورواه ابن ماجة والحاكم، rapporté aussi par l'imam ابن ماجة et par l'imam الحاكم. الحديث الثالث، le troisième hadith. قال صلى الله عليه وسلم، il dit prière et salut sur lui. قال لامرأة عن زوجها، le prophète parlait avec une femme et il lui a dit à propos de son mari: إنه جنتك ونارك. C'est lui ton paradis et c'est lui ton enfer. Ça veut dire ton mari constitue pour toi soit le paradis soit l'enfer. رواه أحمد والنسائي والحاكم وقال صحيح الإسناد، rapporté par l'imam Ahmed, l'imam al-Nasa'i, l'imam al-Hakim, qui a qualifié sa chaîne d'authentique. Al-Hadith al-Rabi', le quatrième hadith. قال النبي صلى الله عليه وسلم، le prophète dit prière et salut sur lui. إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه. Quand un homme invite sa femme à son lit, فلم تأتيه, et elle ne répond pas à son invitation, فبات غضبان عليها. Si elle passe la nuit fâchée contre elle, لعنتها الملائكة حتى تصبح. Les anges vont la maudire jusqu'au matin. Muttafaqun alayh, unanimement authentique, ça veut dire Al-Bukhari wa Muslim et d'autres. يعني إلا إذا كان عندها عذر شرعي مقبول. Et ceci bien sûr à part lorsque la femme a une excuse valable religieusement. Al-Hadith al-Khamis, le cinquième hadith. قال النبي صلى الله عليه وسلم، le prophète prière et salut lui dit: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا. Chaque femme qui nuit, qui fait du mal à son mari dans cette vie ici-bas, إلا قالت زوجته من الحور العين. À chaque reprise, sa femme parmi les houris qui se trouvent dans le paradis lui dit: لا تؤذيه قاتلك الله. قاتلك الله. Ne lui fais pas de mal, que Dieu te combatte. فإنما هو عندك دخيل. Il n'est auprès de toi que d'une façon provisoire. يوشك أن يفارقك إلينا. Il risque d'un moment à l'autre de te quitter et d'aller vers nous et de venir vers nous. رواه ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن، rapporté par ابن ماجه l'imam al-Tirmidhi qui l'a qualifié d'authentique. أختي، sœur، هل زوجك راض عنك أم لا؟ Est-ce que ton mari est satisfait de toi ou bien non؟ إن كان راض عنك، si ton mari est satisfait de toi، فاعلمي بأن الله راض عنك. Sache, sœur, que Dieu lui aussi est satisfait de toi. والآن أخي استمع للنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معك. Et maintenant frère, écoute, c'est le prophète prière et salut sur lui qui va te parler. الحديث الأول، le premier hadith. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. Les femmes ne sont que les sœurs germaines des hommes. ما أكرمهن إلا كريم. Elles ne sont honorées que par un noble. وما أهانهن إلا لئيم. Et elles ne sont déshonorées que par un ignoble. رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود، rapporté par l'imam Ahmed, l'imam al-Tirmidhi et l'imam Abu Dawud. أينما وجدت رجلا يهين امرأته فاعلم بأنك أمام رجل لئيم. Chaque fois que tu trouves un homme qui humilie sa femme, tu dois savoir que tu es devant un ignoble, un minable, un misérable, un malade mental. وأينما وجدت رجلا يكرم امرأته فاعلم بأنك أمام كريم. Et chaque fois où tu trouves quelqu'un qui honore, qui donne de l'importance à sa femme, tu dois savoir que tu es devant un noble, devant quelqu'un qui est aimé par Dieu subhanahu wa ta'ala. Al-hadith al-thani, le deuxième hadith, كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ. Le pire des péchés pour un homme est le fait de négliger ceux qui sont à sa charge, c'est-à-dire sa femme et ses enfants. Rawah Abu Daoud wa ghayru, rapporté par l'imam Abu Daoud et par d'autres. Al-hadith al-thalith, le troisième hadith, yaqulu an-nabi alayhi salatu wa salam, la tadribu ima Allah. Ne frappez pas les servantes de Dieu, c'est-à-dire les femmes, vos épouses. Rawah Abu Daoud bi isnadin sahih, rapporté par l'imam Abu Daoud avec une chaîne authentique. Al-hadith الرابع, le quatrième hadith, أكمل المؤمنين إيمانا, celui parmi les croyants qui a la perfection dans la foi, qui a la foi la plus parfaite, أحسنهم خلقا, et celui qui jouit d'un bon, d'un meilleur comportement, وخياركم خياركم لنسائهم, et les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs à l'égard de leurs femmes. الترمذي وقال حديث حسن صحيح rapporté par l'imam al-Tirmidhi qui l'a qualifié de bon et authentique, ورواه أئمة آخرون rapporté aussi par d'autres imams, وفي رواية dans une version, وأنا خيركم لأهلي, et je suis le meilleur de vous tous avec mes femmes. لقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بعض حقوق الزوج وبعض حقوق الزوجة. Le prophète Tiyar Isai Sului, dans ses hadiths, a montré quelques droits du mari et quelques droits de l'épouse. ولكن الله يتدخل في آية كريمة ليقول عن الحقوق. Mais Dieu intervient dans un verset coranique pour dire à propos des droits entre les deux. وَلَهُنَّ مَعْنَى النِّسَاءِ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. On leur doit tout ce qu'elles doivent elles-mêmes selon la bonne coutume. بمعنى الحقوق جعلها الله متساوية. Ça veut dire Dieu a rendu les droits égaux بين الرجل والمرأة في الإسلام, égaux entre l'homme et la femme en islam. كلما طلبت من زوجتك حقا صار عليك واجبا أن تعمل لها نفس الشيء. هذا ما يقول الله في هذه الآية. À chaque fois que tu réclames, frère, à ta femme un droit à toi, Dieu te dit, tu dois assurer le même devoir à son égard. Tu dois faire ça de chaque droit à toi devient un devoir sur toi vis-à-vis d'elle. بمعنى أي حق تطلبه من زوجتك فيجب عليك أن تحقق لها نفس الشيء. Ça veut dire chaque droit que tu réclames à ta femme, tu dois lui assurer la même chose. حقوق وواجبات متساوية بين الرجال والنساء. Donc en islam, il y a des droits et des devoirs égaux entre les hommes et les femmes. هذه هي عظمة الإسلام. Telle est la grandeur de l'islam. هذه هي عدالة الإسلام. Telle est l'équité ou la justice en islam. ولهذا أحد الصالحين لم يتزوج. Raison pour laquelle un vertueux n'a pas voulu se marier. Pas seulement avec une. Pas seulement avec quatre ou trois ou deux, même avec une, il n'a pas voulu se marier. فَلَمَّا سُئِلْ, lorsqu'on lui a posé la question, قَالَ مَنَعَتْنِي هَذِهِ الْآيَةِ, il leur a dit dans la réponse, c'est ce verset qui m'a empêché, qui m'a interdit de me marier, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, on leur doit tout ce qu'elles doivent elles-mêmes, selon la bonne coutume, خَافَ أَنْ يَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ, il a eu peur d'être parmi les injustes. الزواج عبادة في الإسلام. Le mariage est une adoration en islam. وَأَحْسَنْ دَرَجَاتَ الْعِبَادَ هِيَ الْإِحْسَانِ, et le meilleur niveau de toute adoration en islam, c'est d'atteindre l'ihsan, l'excellence dans l'adoration, la bienfaisance. الْإِحْسَانِ هُوَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فإنه يراك. الإحسان والإكسلنس ولا بيرفكسيون دون لادوراسيون سي لو في دادوري ديو كوم سي اون لو فوا. مي سي اون اريف با لو فوار اون دوا سنتير كو لوي إيل إي أونطران دو نو فوار. في بيت الزوجية دون dans le foyer où se trouve le couple, l'homme et sa femme, كل واحد chacun des deux, الزوج أو الزوجة, l'homme ou la femme, يحس بأن الله يراه. Il doit sentir, chacun des deux doit sentir dans la maison lorsqu'il n'y a personne avec eux, chacun des deux doit sentir que Dieu est présent avec eux, que Dieu les regarde, que Dieu les surveille. ويعامل الآخر ليس بالعدل. Et chacun, l'homme ou la femme, doit se comporter avec l'autre partie. Non pas avec l'équité ou la justice. يعني يعطيه حقا مع العلم أن أقل من هذا يسمى الظلم. Ça veut dire donner, offrir à l'autre son droit. Sachant que si on ne fait pas ça, ou si on donne moins que son droit, ça s'appelle l'injustice. Là, non, l'islam ne dit pas ça. بل يعامله بالإحسان. L'islam ne te dit pas d'être équitable avec la femme, mais d'être bienfaisant, d'être excellent avec la femme. بمعنى أكثر من العدل. يعطيه أكثر من حقه. Ça veut dire c'est plus que la justice ou l'équité. L'islam te dit de lui donner plus que son droit. C'est la bienfaisance, c'est l'excellence. بالمعروف, c'est la bonne coutume. ويسمح له إذا أخطأ من غير انتقام. Chacun des deux doit pardonner à l'autre partie en cas d'erreur, sans vouloir se venger. قال تعالى وعاشروهن بالمعروف. Dieu dit vivez avec elles selon la bonne coutume. معنى بالإحسان, ça veut dire avec la bienfaisance ou l'excellence. أكثر من لو قال, et ceci est plus fort que si Dieu a dit وعاشروهن بالعدل. Dieu n'a pas dit vivez avec elles selon l'équité ou la justice. Il a dit selon la bonne coutume, et ceci dépasse la justice. فالإحسان أفضل من العدل. La bienfaisance ou l'excellence dépasse l'équité. بالإحسان يزول الفرق بين الزوج وزوجته. Avec l'excellence, avec la perfection, avec la bienfaisance, la différence entre le mari et son épouse disparaît, s'élimine. Il y a une fusion entre les deux. On n'arrive plus à distinguer l'autre, l'un de l'autre. L'un représente l'autre et l'autre représente le premier. Ils deviennent presque un seul être. Il n'y a plus l'ego. Ou l'égoïsme entre les deux. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. L'un de vous n'est vraiment croyant que lorsqu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour soi-même. Wa tajid kull wahid az-zawj aw az-zawja yuhawil is'ad wa ifrah al-akhar. Dans une maison vraiment islamique, tu trouves que l'un ou l'autre essaie avec toute son énergie de rendre l'autre partie heureuse. جويز عبادة الزواج هي إفراح, هي إفراح الطرف الآخر. L'adoration. On a dit que le mariage est une adoration. C'est quoi cette adoration? Tout simplement, mon frère ou ma sœur, l'adoration du mariage, c'est de rendre, essayer de rendre l'autre partie heureuse. C'est entrer la joie et non pas le chagrin. C'est pas sortir les larmes de l'autre. C'est pas écraser l'autre. Non, c'est essayer avec tous les moyens de rendre la deuxième partie joyeuse. يقول إذا أرضيته فقد أرضيت الله. Chacun dit intérieurement lorsque je rends satisfait, lorsque je satisfais l'autre partie, par là j'ai satisfait Dieu subhanahu wa ta'ala. وإذا أغضبته, et lorsque je le rends énervé ou bien fâché de moi, قد أغضبت الله تعالى وتبارك. J'ai fâché Dieu, j'ai provoqué la colère de Dieu. فقد أكلت من الشجر المحرم قمت بالحرام. Lorsque je fâche la deuxième partie, ça veut dire j'ai mangé de l'arbre interdit, j'ai commis l'interdit. هذه العبادة Cette adoration qui est le mariage, lorsqu'elle est sincère, lorsqu'elle est pure pour Dieu subhanahu wa ta'ala, فستؤدي إلى جائزة ربانية, sans aucun doute va mener vers un cadeau divin, une récompense divine, تتوج هذا الزواج بالبركة, qui va couronner ce mariage par la bénédiction, par la baraka de Dieu subhanahu wa ta'ala, comme il l'a dit dans un verset, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. وَاللَّهِ هَذِهِ الْمَوَدَّةَ وَالرَّحْمَةَ لَنْ يَسْتَطِعَ أَحَدٌ أَنْ يَشْتَرِيهَا وَلَوْ كَانَ وَزِيرًا وَلَوْ كَانَ حَاكِمًا لَا تُشْتَرَى فِي الْأَسْوَاقِ. الْمَوَدَّةَ وَالرَّحْمَةَ وَلَوْ كَانَ رَئِيسًا لَا يَسْتَطِعْ أَنْ يَشْتَرِيَ الْمَوَدَّةَ وَالرَّحْمَةَ فِي السُّوقِ. المودة والرحمة تأتي من الله, يعطيها ويهبها لمن يشاء من الزوجين المباركين من الله تعالى وتبارك, وجعل هو الله الذي جعل وجعل بينكم مودة ورحمة. Il a, c'est-à-dire il, c'est Dieu, il a établi entre vous des liens de tendresse et de miséricorde. Ces liens de tendresse, d'amour, de miséricorde, on ne peut pas les acheter dans les supermarchés. Même si on est un président d'une république, on ne peut pas. Ça vient de la part de Dieu subhanahu wa ta'ala. سَيُسْكِنُ اللَّهُ فِي قَلْبِ الزَّوْجَيْنِ الْمَوَدَّةَ وَالرَّحْمَةَ وَالْحُبِّ. C'est Dieu le Très-Haut, lorsqu'il y a cette adoration sincère pour lui qui est le mariage, c'est lui-même qui va installer, qui va faire habiter dans le cœur des deux la tendresse, la miséricorde mutuelle et l'amour. فَإِذَا كَانَ الْحُبُّ عِنْدَ النَّاسِ يَبْدَأُ قَبْلَ الزَّوَاجِ كَبِيرًا. Si chez les hommes, si chez les gens d'aujourd'hui, l'amour démarre fort, démarre infini avant le mariage, 2 années avant le mariage, on voit l'amour qui démarre fort, infini. وبعد الزواج يصير صغيرا شيئا فشيئا حتى يؤدي إلى الطلاق. Et après le mariage, on constate chez les gens d'aujourd'hui que l'amour décroît petit à petit jusqu'à devenir égal à zéro. Et après, il y a le divorce devant le juge. لأن كل واحد يكتشف عيوب الآخر. Parce que chacun va découvrir les défauts de l'autre, عيوب الآخر التي كانت مخبأة قبل الزواج, ces défauts qui étaient cachés avant le mariage, parce qu'avant le mariage il n'y avait que la comédie qui a donné un amour infini. Et lorsqu'on va découvrir les défauts et que le monsieur de tes rêves ou l'ange de tes rêves est plein de défauts, l'amour va sortir des fenêtres. فعند المسلمين chez les musulmans, الحب يبدا صغيرا, l'amour démarre très petit. يبنى على الصراحه, il se base, l'amour chez les musulmans lors du mariage ou avant le mariage se base sur la franchise, pas sur la comédie, pas sur le mensonge, على الحقيقه, sur la vérité. وليس الخيال, ils n'ont pas l'imagination ou l'imaginaire ou la fiction. لأننا في عبادة, parce qu'on est dans une adoration, تحرم الكذب, une adoration qui interdit le mensonge. وينمو الحب خلال الزواج شيئا فشيئا, et l'amour croît et grandit petit à petit pendant le mariage, حتى يصير كبيرا, jusqu'au point de devenir très très très grand, presque infini, إلى درجة أن لا يستطيع الزوج مفارقة زوجته, jusqu'au point que l'homme ou le mari devient incapable de se séparer même pendant une semaine de sa femme. وهذا ما رأينا مع والدينا, et c'est ce que nous avons vu à travers nos parents. إنه زواج إسلامي مبارك. Il s'agit d'un mariage islamique béni. فيه سعادة كبرى, dans lequel se trouve un grand bonheur. تبشر الزوجين في الدنيا بالسعادة الأبدية في عالم الآخرة. Un bonheur ici-bas qui annonce à chacun des deux le bonheur qui les attend dans l'au-delà. ورغم هذا تجد بعض الناس من المسلمين يقول ويردد. Malgré tout ce que je viens de dire, de l'égalité entre l'homme et la femme en islam, tu trouves quelques ignorants qui répètent et qui disent المرأة المسلمة ليس لها الحق في الخروج إلا مرتين. من عند أبيها إلى زوجها ومن زوجها ومن عند زوجها إلى قبرها. Il y a des malades qui répètent ce genre de phrase. La femme musulmane n'a le droit en islam à sortir que deux fois. De chez son père vers son mari et de chez son mari vers sa tombe. بمعنى لا حق لها في الإسلام. Ça veut dire elle n'a aucun droit en islam. أقول كذب. Je dis mensonge. فالذي يمثل الإسلام هو النبي صلى الله عليه وسلم. Celui qui représente l'islam c'est le prophète. Prière et salut. قال للنساء. Il a dit aux femmes. قد أذن لكن أن تخرجن لحوائجكن. On vous a autorisé pour sortir afin de faire vos besoins. Muttafaqun alayh, unanimement authentique. بمعنى كل ما تحتاج المرأة له أو لها الحق في الخروج إليه كالمشي إلى المسجد أو غيره. Tout ce dont la femme a besoin de réaliser à l'extérieur de son habitation, l'islam lui a donné l'autorisation pour sortir, comme pour aller à la mosquée ou autre chose. Ma'ahtiram al-libas al-islami, bien sûr, avec le respect du vêtement islamique, ou al-adab al-islami, la coutume islamique. Wa kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yusafir bi zawjatihi. Le prophète, prière et salut sur lui, voyageait en compagnie de ses femmes. Wa kana yula'ibu zawjatihi. Il plaisantait, malgré qu'il était prophète, il plaisantait, il jouait avec ses femmes. Marra, sabaqa fil Madina Aisha fa sabaqathu. Une fois à Médine, il a fait une course contre Aisha et c'est elle qui a gagné. Thumma sabaqa marra ukhra fi ghazwat Tabuk, et pendant l'expédition de Tabuk, ils ont renouvelé la course et c'est lui qui a gagné. Fa sabaqaha fa qala laha hadhihi bitilk, et le prophète dit à son épouse Aisha, celle-ci annule la tienne. Ça veut dire qu'entre nous, il y a match nul. Rawahu l'imam Ahmed, rapporté par l'imam Ahmed. Wa sa'alahu sahaba marra. Une fois, les compagnons lui ont posé cette question. Man ahabbu nasi ilayka ya Rasulallah. Quelle est la personne la plus aimée à toi, au messager de Dieu? Qala lahum abi. Il leur a dit, mon père, ma mère, ummi, jaddi, wuldi. Qala Aisha. Wa man hiya Aisha zawjatu. Il répond, Aisha. Muttafaqun alayhi, unanimement authentique. Lam yaqul ummi wala abi wala ammi wala jaddi. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam hadha al-kalam amam ar-rijal fi zamanin kana ar-rajul yastahi an yatakallama an zawjatihi. Il a dit ceci à propos de sa femme Aisha devant des hommes dans une époque où l'homme avait la honte de parler de sa femme. Lui n'avait pas honte. Il parlait de Aïcha et dire la meilleure personne que j'aime c'est Aïcha. Wa marra sana'a jarun farisiyun lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam ta'aman. Une fois un voisin perse a préparé un repas pour le prophète. Wa kana mahiran fi at-tabkh, il était un bon cuisinier. Wa da'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a invité le prophète prière et salut sur lui, fa qala an-nabi alayhi as-salatu wa salam, le prophète prière et salut sur lui lui dit wa hadhihi, yani Aïcha, et celle-ci, ça veut dire Aïcha, tu l'invites aussi, yani tad'uha ma'i? Qala la, le voisin dit non. Tu viens seul. فقال رسول الله لا. Le message de Dieu a dit non. فعاد يدعو. Une autre fois, il l'a invité à un repas. فقال فرسل مهاده. Le prophète dit à propos de Aïcha et celle-ci. قال رجل لا. L'homme a répondu non. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. Le prophète a dit non. Ça veut dire il ne veut pas manger sans que sa femme mange la même chose. ثم عاد يدعوه. Il est revenu une autre fois pour l'inviter. فقال صلى الله عليه وسلم وهذه. Le prophète prie dit et celle-ci, ça veut dire Aïcha. قال نعم. Le voisin perse dit à cette fois-ci oui pour que le prophète prie et sache lui honore son invitation. فقام وذهب إلى بيته. رواه الإمام مسلم. Et il se lève, ça veut dire les deux, le prophète et sa femme, pour partir ensemble vers le voisin, rapporté par l'imam muslim. Wa kana sallallahu alayhi wa sallam yastashiru nisa'ahu. Il demandait l'avis de ses femmes. Wa yattabi'u ara'ahunna. Et il suivait leur avis. Wa kana yusa'iduhunna fi ashghalil bayt. Il les aidait, il aidait ses femmes dans le travail à l'intérieur de la maison, dans les tâches ménagères. Fa kana sallallahu alayhi wa sallam fi mihnati ahlihi. Il était au service de ses épouses. يقوم بيته, il balayait sa maison. ويحلب شاته, et il prayait sa brebis. ويخيط ثوبه, il cousait ses habits. رواه الإمام أحمد, rapporté par l'imam Ahmed. وهو الذي وهذا الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم هو الإسلام. Tout ce que le prophète prière faisait, c'était l'islam. كَانَ يُعَلِّمُنَا دِينَنَا. Il était en train de nous enseigner notre religion, لِأَنَّهُ الْقُدْوَةِ, parce que c'est lui le modèle. L'exemple. تقول عنه عائشة رضي الله عنها, عائشة que Dieu soit satisfait d'elle, dit à propos du prophète, كان خلقه القرآن, son comportement, sa morale était coranique ou était le Coran, ou كان قرآن يمشي بين الناس, ou bien elle disait c'était un Coran mobile qui marchait devant les gens. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن لسنته اتبع واقتفى. أما بعد, عباد الله, après ceci, serviteurs de Dieu, قال صلى الله عليه وسلم كما رأينا خياركم خياركم لنسائهم. Le prophète prière et s'assurer, comme nous l'avons vu, dit les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs avec leur femme. Et dans une version, et je suis le meilleur de vous tous avec mes femmes. Selon ce hadith, khiyarun nas fil islam hum ahsanuhum mu'amalatan li zawjatihim. Les meilleurs des gens en islam sont ceux qui sont meilleurs dans le comportement vis-à-vis de leurs épouses. Wa man lam takun fihi hadhihi as-sifah, celui qui n'a pas cette qualité d'être meilleur avec sa femme, sans aucun doute, il fait partie des pires ou des mauvais parmi les gens. Et combien je m'étonne de cet homme qui, devant les gens, il essaie d'être gentil. وَأَنْ تَكُنَ أَخْلَاقُهُ حَسَنَةً, il essaie que son comportement soit meilleur. وَلَكِنَّهُ أَمَامَ زَوْجَتِهِ يُصْبِحُ عِفْرِيتًا, mais devant sa femme, il se transforme en un diable, en un génie. Fort, dur, بِأَخْلَاقٍ خَبِيثَةٍ وَسَيِّئَةٍ, avec un comportement mauvais et dur. أخي, اتَّقِ اللَّهَ فِي زَوْجَتِكَ, je lui dis, frère, crains pieusement Dieu en ce qui concerne ta femme. وَعْلَمْ أَنَّهُ لَوْ شَهِدَ الْعَالَمُ أَجْمَعُ لَكَ بِحُسْنِ الْخُلُقِ فَهَذَا لَا يُفِيدُ. Et sache, frère, que si le monde entier témoigne en ta faveur du bon comportement, ceci ne sert pas à grand-chose. إِذَا لَمْ تَشْهَدْ زَوْجَتُكَ بِذَلِكَ, si ta femme ne témoigne pas la même chose. Si le monde entier dit que tu es bon, que tu es meilleur, et on pose la question à ta femme, et ta femme dit qu'il est mauvais, c'est un hypocrite. On va retenir, bien sûr, le témoignage de ta femme. Khiyarukum, khiyarukum linisa'ihim, les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs vis-à-vis de leur femme. Akhi, idha aradta an yuhibbaka Allah, frère, si tu veux que Dieu t'aime, fandur, hal zawjatuka tuhibbuk, regarde, est-ce que ta femme t'aime? إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَكُونَ خَيِّرًا عِنْدَ اللَّهِ, si tu veux, si tu cherches à être meilleur auprès de Dieu, فَانْظُرْ هَلْ أَنْتَ خَيِّرٌ عِنْدَ زَوْجَتِكَ, regarde, est-ce que tu es meilleur auprès de ta femme? فَكَمْ مِنْ إِمْرَأَةٍ تَبْكِي وَتَقُولُ, combien de femmes pleurent et disent et répètent, زَوْجِي يَفْعَلُ الْخَيْرَ فِي جَمِيعِ النَّاسِ, mon mari fait du bien envers tous les humains. كَرِيمٌ مَعَ كُلِّ النَّاسِ, généreux avec tous les gens. يَصْبِرُ عَلَى الْجَمِيعِ, il supporte avec patience le mal qui vient de tout le monde. يَسْمَعُ لِلْجَمِيعِ, il écoute tout le monde. إِلَّا أَنَا, à part moi. فَيَعْمَلُ مَعِ الْمَالَكْسِ, il fait avec moi le contraire. وَكَمْ مِنْ رَجُلٍ نَظُنُّهُ مِنْ خِيرَةِ النَّاسِ, et combien d'hommes qu'on pense parmi les meilleurs des gens, وَلَكِنَّهُ مِنْ شَرِّ النَّاسِ, mais il fait partie des plus mauvais. مَا هَذَا التَّنَاقُضُ, c'est quoi cette contradiction? الْإِسْلَامُ أَمَرَكَ بِالْإِحْسَانِ إِلَى زَوْجَتِكَ أَوَّلًا, l'islam t'a ordonné la bienfaisance, l'excellence d'abord avec ta femme. وأنت فعلت العكس. Et toi tu as fait le contraire, tu as compris le contraire. فأين الإسلام في حياتك؟ Où est donc l'islam dans ta vie؟ ما هذا التقصير؟ C'est quoi cette négligence dangereuse؟ ما هذا التقصير الخطير؟ أين الميثاق الغليظ؟ أي où est le pacte énorme؟ أين عاشروهن بالمعروف؟ Où est le verset coranique؟ Vivez avec elles selon la bonne coutume. أين خياركم؟ خياركم لنسائهم. Où est les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs avec leurs femmes؟ أخي هل هذا جزاء زوجتك؟ Frère, je te dis franchement, est-ce que c'est ça la récompense de ta femme؟ تركت أباها. Elle a abandonné son père. وأمها. Elle a abandonné sa mère. وإخوتها. Et ses frères et sœurs. واختارتك أنت. Et elle t'a choisi. أليس من الحق أن تجد فيك رحمة الأب. N'est-il pas juste qu'elle trouve en toi la clémence du père. وحنان الأم. Et l'affection de la mère. ورفق الإخوة. Et la douceur des frères et sœurs. يا من يتعلم في زوجته الملاكمة أو celui qui apprend la boxe dans sa femme. يا من يضرب زوجته أمام أولادها أو celui qui frappe sa femme devant ses enfants. يا من يخرج عابسا ويدخل عابسا أو celui qui entre et sort avec un regard méchant. يا من يحمل زوجته ما لا تطيق ما لا تطيق أو celui qui charge de travaux et d'activités sa femme plus ce qu'elle supporte. يا من لا يدخل إلا بعد منتصف الليل أو celui qui n'entre chez lui qu'après minuit ويجد الزوجة قد نامت فوق الكرسي من كثرة الانتظار. Il trouve que sa femme a dormi sur la chaise devant la grande attente. إذا أحسست بأنك قوي أمام زوجتك. Si frère, tu sens que tu es très fort, tu es puissant devant ta femme, فَعْلَمْ بِأَنَّكَ ضَعِيفٌ أَمَامَ اللَّهِ. Sache que tu es très faible devant Dieu. إِنَّ اللَّهَ أَقْوَى مِنْ. Dieu est très fort par rapport à toi. تُوبُوا إِلَى اللَّهِ. Repentez-vous à Dieu. Et تَقُوا اللَّهِ. Craignez pieusement Dieu. إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Car Dieu a le châtiment le plus sévère. وَنَفْسَ الْكَلَامِ. Et la même, les mêmes paroles. On va dire aux femmes les mêmes paroles. نَقُولُهُ لِلْمَرْأَ الَّتِي لَا تَخَافْ اللَّهِ. La femme qui ne craint pas pieusement Dieu. وَتُسِيرُ لِزَوْجِهَا. Qui nuit ou qui fait du mal à son mari. وَتَسْخَرُ مِنْ زَوْجِهَا. Qui se moque de son mari. وَتُفْشِي أَسْرَارَ زَوْجِهَا. Qui dévoile, qui publie les secrets de son mari. وَتُكْتِرْ مِنَ الطَّلَبَاتِ وَالْأَوَامِرِ لِزَوْجِهَا. Et qui surcharge son mari de vœux, de demandes et d'ordres. ولا ترضى ابدا ابدا مهما فعل زوجها. Et elle n'est jamais satisfaite quoi que son mari fasse. تذكري الجنه. Rappelle-toi sœur du paradis. وتذكري النار. Et rappelle-toi de l'enfer. وتذكري بان اكثر النار هم النساء. اكثر اهل النار هم النساء. Et rappelle-toi que la majorité du public qui va entrer à l'enfer sont des femmes. إنه جنتك ونارك. Il représente ma sœur pour toi, c'est-à-dire ton mari, ton paradis et ton enfer. لا تنسي هذا. N'oublie jamais ceci. إذا ماتت المرأة وزوجها راض عنها دخلت الجنة. Quand la femme meurt, si son mari est satisfait d'elle, elle entrera sûrement au paradis. ما هذا الابتعاد عن الدين؟ C'est quoi cet éloignement par rapport à notre religion؟ ليس هذا هو الزواج. Ce n'est pas ça le mariage. لقد صرنا رجالا ونساء ظالمين. On est devenu homme ou femme parmi les injustes. لأننا أكلنا من الشجرة. Parce que nous avons tous mangé de l'arbre. قال تعالى لا تقرب هذه الشجرة. Dieu nous a dit n'approchez pas de cet arbre. صرنا من الظالمين. On est devenu parmi les injustes. مع العلم أن الله لا يحب الظالمين. Sachant que Dieu n'aime point les injustes. والسبب أضلنا الشيطان. La raison c'est que Satan nous a égarés. أخي أختي frère sœur عند كل مشكل مع زوجتك ومع زوجك المشاكل عادية بين الزوج والزوج لا بد من مشاكل ولكن أمام كل مشكل مع زوجتك أو مع زوجك لا تنظر إلى البشر. C'est normal d'avoir des problèmes entre le mari et sa femme. Mais devant chaque problème, lorsque tu regardes ta femme ou tu regardes ton mari, ne regarde pas l'homme qui est devant toi. انظر إلى الشيطان الذي يجرك أنت وزوجتك إلى الشجرة. Regarde à travers l'autre partie, Satan, qui vous traîne, qui vous entraîne, qui vous tire vers l'arbre. وتذكر الله يقول لكما لا تقرب الشجرة. Et rappelle-toi de Dieu qui te dit ne mangez pas de l'arbre. وتذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا تغضب لا تغضب لا تغضب. Et rappelle-toi du prophète qui te dit ne te fâche pas ou ne te mets pas en colère trois fois. أخي أختي frère, sœur, لما أكل آدم وحواء من الشجرة, lorsque Adam et Ève ont mangé de l'arbre, تاب إلى الله, ils se sont repentis à Dieu. وقبل الله توبتهما, et Dieu a agréé leur repentir. وعلينا جميعا أن نفعل مثل أبينا وأمنا, et on doit tous faire comme notre père et comme notre mère, أن نتوب إلى الله, de nous repentir à Dieu. وأن نجعل من الزواج عبادة لا معصية, et on doit tous faire du mariage une adoration et non pas une désobéissance. سعادة وليس شقاء, un bonheur et non pas un malheur. ونسأل الله التوفيق, et on demande à Dieu de l'aide. اللهم إني داعي فأمنه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم أن تدخل المودة والرحمة والمحبة إلى قلوب المتزوجين. اللهم أكرمنا بمودة منك وبرحمة منك. اللهم أسكن المحبة في قلوبنا لزوجاتنا وفي الزوجات لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اطرد من قلوبنا الضغين لبعضنا البعض والقطيع لبعضنا البعض والخصوم لبعضنا البعض. اللهم احمنا من الفجور بين الأزواج واحمنا من الطلاق. اللهم اجعل زواجنا زواجا دائما, زواجا في الدنيا وفي الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل من زواجنا زواجا في الدنيا فقط يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد زوجاتنا وأولادنا وبناتنا برحمتك. اللهم صل وسلم وبارك في هذا اليوم العظيم على سيدنا وحبيبنا سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم بحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.